dit, c'est toi, moi. Lui a débarqué à 9 ans, avec dans la tête plein de rêves d'enfant, plein de jouets, plein de souhaits, plein de bons sentiments, plein d'illusions, trop d'allusions alimentent l'immigration, plein d'attention sur cette plus riche alimentation. Un temps d'observation, puis d'adaptation, puis dans le bain, jeté dans les méandres de l'éducation. Bah, parlons-en, éducation nationale, où on le trimballe parce que le français il parle mal, ou il comprend mal, peut-être qu'on lui enseigne mal. Peut-être c'est normal d'être perturbé quand chez lui aussi ça va mal. Voir ses parents se taper sur la gueule c'est devenu banal. S'occuper de ses frères et sœurs est un vrai travail. Pour lui c'est pas facile en tant qu'aîné de la famille. Pas le droit de partir en vrille, pas le droit d'être sur la mauvaise file. Pas le droit d'être sur une voie de garage. Il fut orienté comme mécano dans le but d'un CAP comme bagage. Normal qu'il ait la rage dans le cœur, le doute, la peur, beaucoup de rancœur. La crainte de ne pas avoir été à la hauteur. Un point sur le cœur. Les parents qui rêvent d'avoir un fils docteur. Si quand je raconte cette histoire, ça te parle quand je t'en parle. C'est qu'après tout, on est tous des mêmes qui grandissent. Un petit qui devient grand, c'est un grand qui était petit. L'histoire de ma vie ou de ta vie, c'est juste un monde qui grandit. De la joie, de la peine, des années qui s'enchaînent. Des diplômes, des jugements, jusqu'à l'heure du jour J. C'est ça un monde qui grandit. On est tous des mômes qui grandissent. Diplôme en main, pas de taf. La gaffe. Normal vu les temps qui courent avec juste un CAP. T'es sûr t'as pas de taf. Rien que des baffes. Alors à la thèse il se pose. Entre à ça il s'expose. Des projets de barge pour que les larves explosent. Et comme beaucoup de jeunes goûtent à tout. Touche à tout. Arnaque, vols, drogue, deal, saoul. Emprunte les chemins banals des voies de banlieue nique le tout. Attaque à main armée en haut lieu. Trafic d'armes, de haches, de cam à droit et fine lame. Connu de Paris jusqu'à Dame. Il en aura fêté des Noël au poste, pris de sacré rost, aussi offert à ses frères et sœurs de nombreux Lacoste. Prendre les risques, sachant qu'il peut se faire sauter, faut pas qu'il soit teubé. Juste le temps de peser, de poser, de s'imposer, jamais se reposer. Rien que bousculer, basculer, puis accumuler. À ce petit jeu, beaucoup de ses potes se sont noyés. Qui joue Bergam dans ce genre d'affaires, obligé qu'un jour tu perds. Obligé de se sauver avec juste sa mémoire, ses rêves et ses billets. Quand je raconte cette histoire, ça te parle quand je t'en parle. C'est qu'après tout, on est tous des mêmes qui grandissent. Un petit qui devient grand, c'est un grand qui était petit. L'histoire de ma vie ou de ta vie, c'est juste un monde qui grandit. De la joie, de la peine, des années qui s'enchaînent. Des diplômes, des jugements, jusqu'à l'heure du jour J. C'est ça un monde qui grandit. On est tous des mômes qui grandissent. L'atterrissage au bled, c'est haut, j'ai plus l'habitude de la chaleur. Le pauvre transpire comme un beau. Sans thune, plus de 10 piges après revoir la famille. C'est dur même si ça fait plaisir, les odeurs, les bons souvenirs. L'espace d'un temps, être heureux même insouciant. Amoureux comme un enfant, chanceux il en est conscient. C'est là que le malheur attend au tournant. C'est là qu'en France son père décède. De son nuage, faut qu'il redescende, ses proches ont besoin d'aide. C'est lui qui doit remplacer le père. Toute une africaine, c'est l'aîné des frères et part au charbon pour se refaire. Ça passe ou ça casse et ça divise. Et sur ce coup-ci ça casse et pendant 6 piges il a pas vu le jour. Pas pu venir au secours de sa mère. Perdu un amour pour toujours. De ce parcours il en sort aigri. Avec 50 plus, mûr et plus réfléchi. Taf pendant 2 ans se pose et se marie un enfant naquit. En bref, c'est l'histoire d'une vie qui a peu de détails. Peut être ta vie, on est tous semblables face à l'infini. Et bien lui, nous a quittés prématurément en dormant. C'est aussi ça la vie, c'est chair et sang jusqu'aux cendres. On est tous des moments vie que la mort va reprendre. Paix à son âme, mon grand frère encore qu'un enfant. Pour nous, c'est encore qu'une question de temps. Vu qu'on est tous des mômes qui grandissent. Quand je raconte cette histoire, ça te parle quand je t'en parle. C'est qu'après tout, on est tous des mômes qui grandissent. Un petit qui devient grand, c'est un grand qui était petit. L'histoire de ma vie ou de ta vie, c'est juste un môme qui grandit. De la joie, de la peine, des années qui s'enchaînent. Des diplômes, des jugements, jusqu'à l'heure du jour J. C'est ça un môme qui grandit. On est tous des mômes qui grandissent. Quand je raconte cette histoire, ça te parle quand je t'en parle. C'est qu'après tout, on est tous des mômes qui grandissent. Un petit qui devient grand, c'est un grand qui était petit. L'histoire de ma vie ou de ta vie, c'est juste un monde qui grandit. De la joie, de la peine, des années qui s'enchaînent. Des diplômes, des jugements, jusqu'à l'heure du jour J. C'est ça un monde qui grandit.